Bonjour à tous et à toutes. Du coup, j'interviens comme sociologue parce que c'est moi, mais en même temps, plutôt comme témoin d'une époque, bien que c'est toujours la question d'interroger qu'est-ce que cela veut dire témoin. Et du coup, évidemment, comme je suis aussi formée par la sociologie, tout ça va se mélanger un peu. Enfin, je vais essayer de pas trop vous ennuyer. Et j'ai bricolé quelque chose à partir des souvenirs. Alors, sur quoi je me suis basée? Sur une caisse qui se trouve dans mon grenier, que j'ouvre assez rarement, mais du coup que j'ai rouverte. Et j'ai une culture de bon élève quand même depuis le collège, ce qui fait que j'ai toujours pris des notes, mis des dates, etc. Donc là, finalement, pour préparer cette intervention, j'ai fait le tour de ma caisse et je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient fausses. Je me suis rendu compte que ma mémoire m'avait trahi, que parfois il y avait des informations qu'on n'arrivait pas du tout à vérifier, parce que est-ce que c'était la mémoire qui était fausse ou les archives? Enfin, ça m'a intéressée parce que finalement, quand on fait une histoire du présent, ça veut dire une histoire de quelque chose qu'on a vécu, qui n'est quand même pas si loin, parce que là, l'époque dont je vais vous parler, c'est 2001-2006, eh bien, on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on avait pensé au départ. Bien, alors, démêler cette expérience, ça va être déjà démêler un peu ce qui s'est passé autour du réseau FRIS, dont a parlé aussi Charlotte, qui est un réseau qui a eu une importance jusqu'à maintenant. Alors, ça va être un peu en vrac, mon affaire, mais vous allez vous y retrouver. Ça veut dire... Le réseau FRIS, c'est un réseau dans lequel on est des centaines à être passés. Et... à plus ou moins s'être fréquenté et à avoir des liens, en tout cas à savoir qu'il y en a qui existent, c'est un réseau d'interconnaissance et c'est un réseau de soutien aussi. Donc ça va être l'idée de vous donner un peu une expérience, une impression de ce réseau, aussi plus particulièrement d'un projet qu'on a mené dans ce réseau en tant que lesbienne, qui était la création de la brochure Gwix, que j'ai exhumée du carton bien qu'elle commence à moisir. Mais on la trouve en ligne quand même, j'en ai profité pour la retrouver en ligne aussi. Et aussi une autre expérience à partir de FRIS. Moi, ça m'a aussi amené à militer pour l'association Couple contre le Sida. Donc c'est un petit peu tout cela que je veux vous raconter. C'est cette expérience que j'essaye de démêler et du coup de tisser. Alors dites, c'est un peu stupide, mais puisqu'on parle d'expérience, prenons 2 secondes pour nous demander un peu ce que c'est qu'une expérience. Parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Et prenons un exemple simple. Planter un clou. Du coup, c'est actif, j'apprends, je plante un clou. Et remarquez que quand on le fait, on sent des vibrations. Donc ça, on ne l'avait pas prévu. Mais en fait, ça fait quelque chose quand même. Bien. Parfois, le clou part de travers. C'est arrivé à tout le monde, j'imagine, une expérience pareille. Du coup, on se retrouve face à l'épreuve. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit redresser le clou. Ça veut dire qu'on apprend par l'expérience à planter un clou correctement. Ce qui fait qu'on arrive à se reconstruire, à réorganiser son expérience, et donc qu'on devient capable de planter un clou. Et donc, on crée des habitudes comme ça. Et finalement, on arrive vraiment à planter des clous droits. Mais attention, il faut quand même qu'il y ait une continuité dans l'expérience. Ça veut dire parfois, si on arrête de planter des clous, on doit tout recommencer à zéro au départ. Et ensuite, c'est encore autre chose de dire à quelqu'un comment planter un clou, voire même de faire un petit tuto sur comment planter un clou. Donc, toutes ces dimensions-là sont présentes dans une expérience. Et du coup, lorsque je vous parle d'un récit d'expérience, je vous parle de ce réseau FRIS et ce que ça nous a appris. Du coup, à quelques centaines... j'ai contacté Daniel Autier qui ne m'a pas répondu et je n'ai pas insisté parce qu'on manquait de temps pour cela. Mais... je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de personnes, de femmes qui ont été formées par FRIS, mais nous sommes quand même des centaines, c'est sûr. En fait, j'ai été très embêtée. Bon, il fallait faire un titre. Ce n'est pas si simple que ça de faire un titre. Donc, l'expérience, je viens de vous en parler. Mais il faut que je revienne encore sur un autre terme, le terme de prévention. Nous en discutions avec une ancienne frisseuse. Elle me disait, mais non, dans le titre, tu ne vas quand même pas écrire prévention sida, parce qu'on nous a justement appris à FRIS, premier apprentissage dans cette formation, que nous ne faisions pas de la prévention. Ça veut dire que FRIS était une association de réduction des risques. Ça veut dire l'idée de la prévention est de proposer des méthodes efficaces pour se protéger des IST. L'idée de la réduction des risques, c'est considérer que les IST sont un risque, mais il faut prendre en compte pas seulement la sexualité, mais le corps tout entier, la personne tout entière et son expérience. Et du coup, les programmes de réduction des risques se sont mis en place avec l'idée qu'il fallait une approche globale de la personne et des risques. Que finalement, il n'y avait pas dans la vie de risque zéro. Remarquez qu'on s'est levé ce matin et nous ne savons pas encore ce qui va nous arriver dans la journée. Donc, il n'y a pas de risque zéro. Et donc, à partir de là, quels sont les risques? Comment avoir conscience des risques? Comprendre ce que sont les risques? Et surtout, arriver à jauger à quel moment on en prend ou on n'en prend pas? Comment on se protège? Quel est mon corps? Etc. Donc la démarche de réduction des risques qui se met en place au début des années 2000, donc autour de 2002-2003, la politique de réduction des risques qui va être poussée par AID, c'est la consommation de drogue qui commence ses politiques de RDR, ensuite elle passe dans le domaine du sida. Et moi, lorsque j'arrive dans la formation FRIS en 2003, on est dans les débuts de la RDR. Alors, pour information, il y a eu des grandes réticences dans le milieu de la prévention sida. Certaines associations se sont positionnées contre l'idée de RDR. Je veux dire, il y a eu des frictions, et ça, il me semble, pour rendre compte d'une histoire populaire du sida, il faut rendre compte des conflits, des frictions, de tout ce qui s'est mal passé. Et cette arrivée de la RDR, c'était le drame. Et il y a eu là, je pense, des conflits de personnes, mais aussi des grosses ruptures associatives, des grosses concurrences sur des financements, etc. Bon. Alors, je cherche à vous rendre compte donc, d'une expérience associative. FRIS, c'est une expérience associative. Et Couple contre le sida aussi, d'ailleurs. Donc ça, ce sont deux associations. Mais je suis rentrée dans cette histoire par un biais particulier. Ça veut dire que ce qui m'a, moi, ramenée dans les formations FRIS, c'était d'être une militante féministe, lesbienne, autonome, comme on disait à l'époque. Alors là, j'ai écrit alternative parce que j'ai lu très récemment le travail de Geneviève Pruvot qui décrit le monde alternatif et ce qu'elle décrit, mais qui se trouve en milieu rural, ressemble à ce que j'ai connu qui était en milieu urbain. Du coup, je me suis dit, tiens, puisque Geneviève Pruvot vient de le dire en 2024, bon ben prenons alternatif. Mais peut-être j'aurais pu dire autonome ailleurs. Je le ferai une autre fois, ça dépendra de ma dernière lecture. Bon. Qu'est-ce que cela voulait dire, ce milieu-là? Je ne veux pas vous ennuyer trop avec ça, mais nous avions pour habitude de tout faire nous-mêmes. Tout faire nous-mêmes, c'était tout, quoi. Et à partir de squats que nous habitions, et qu'est-ce qu'était cette expérience des squats? Ça veut dire on repérait dans la ville un logement qui était inhabité et on l'investissait avec tout un ensemble de connaissances juridiques, une méthode basée sur une connaissance du droit. Et l'idée était de pouvoir vivre là à 5, à 10, à 20, ça dépendait des espaces, et de faire la collectif, donc d'organiser une vie quotidienne. Il me semble que Geneviève Pruvot a vraiment raison lorsqu'elle dit que c'est une vie quotidienne qui reprend les trois fonctions que distingue Hannah Arendt, le travail de la reproduction quotidienne des besoins, la création d'œuvres et la vie politique. Je crois qu'effectivement, c'est un mélange de ça. Du coup, on se retrouve à faire la vaisselle en à la fois faisant une œuvre, à la fois faisant une action politique. Je ne sais pas comment raconter ça au grand public sans donner l'impression que c'est une guignolerie. Mais il faudrait discuter pendant des heures, mais en même temps, je n'ai pas envie de vous ennuyer. Et en tout cas, cette expérience alternative était particulière. Et nous étions au sein du réseau FRIS, dans chacune des formations, toujours un groupe à venir de ce réseau-là particulier. Donc, vous venez peut-être d'envisager un peu ce qu'était le réseau alternatif, mais nous étions une minorité au sein du réseau alternatif, puisque nous étions les féministes et les lesbiennes. Ça veut dire que on avait au sein des réseaux alternatifs aussi une pratique qu'on appelait à l'époque de non-mixité, qu'entre-temps on a appelé de mixité choisie. Ça veut dire qu'on avait pour habitude de s'organiser sans les hommes. Sur des moments donnés, Ça pouvait être, je sais pas, un week-end, une journée, enfin, sur un temps, un espace-temps qui était prévu pour ça. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle ces réseaux ont participé à FRIS, c'est qu'il y avait une congruence entre nos pratiques de mixité choisie dans les réseaux squat, autonome, alternatif, et ce que proposait d'un coup FRIS, incarné par Daniel Autier. Il y a eu d'autres personnes, mais Daniel Autier coordonné FRIS a été une personne importante dans FRIS. Donc, d'un coup, on reconnaissait dans le réseau associatif une manière de faire de nos réseaux alternatifs, et ça nous a tout ramené là-dedans, il me semble. Enfin, ça, c'est toute une chose à discuter. En fait, j'ai été un peu enthousiasmée par ta proposition, Fanny, merci. Et puis là, j'ai été aussi tout de suite embêtée. Ça veut dire, pendant 2 jours, je me suis dit, ah, génial, je vais dire ça, je parlerai de ça, ce sera très bien, formidable, blablabla. Puis là, d'un coup, je me suis dit, oh, mais qui suis pour dire ça? Pourquoi le faire? J'étais très, très embêtée. Donc, j'ai contacté les personnes déjà avec qui on avait fait la brochure Gwix. Je leur ai raconté Sciences Po des Centres Lyon à Saint-Étienne, me propose cette intervention. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous va que je raconte cela dans ce cadre? Elles ont dit d'accord. Et ensuite, le hasard des rencontres fait qu'on a passé une soirée à se rencontrer. C'était vraiment un hasard avec 2 personnes avec qui nous avions fait la formation FRIS. J'en ai fait un enregistrement. C'était intéressant pour nous, 20 ans plus tard, de grâce à cette proposition, d'avoir cette discussion sur tiens, qu'est-ce que ça a joué, FRIS, sur nos vies, sur nos parcours. En fait, plein de choses se sont jouées à partir de cette expérience-là. Vous voyez, j'aime beaucoup cette manière qu'a Gayatri Chakravorty Spivak de poser la question de la représentation. Elle remarque qu'en allemand, contrairement au français ou à l'anglais, en allemand, il y a 2 mots pour représentation, Vertreten ou Darstellen. Et représenter, en fait, même en français, a toujours ces 2 sens. Ça veut dire quand on représente quelqu'un, soit on parle au nom d'eux, par exemple, les délégués parlent au nom de la classe, soit on donne une image, les enfants représentent une maison, ils font un gribouillis. Et du coup, cette tension, elle me semble pas simple. En fait, dans toute la question de relater une expérience collective, est-ce qu'on parle au nom d'eux? On nous a demandé de le faire et du coup, on est à la fois on est autorisé, mais c'est pas tant le fait d'être autorisé en termes légaux, mais c'est le fait d'avoir collecté l'ensemble des points de vue, d'arriver à rendre compte de ce que c'est que cette expérience correctement en respectant les différents points de vue. Donc ça, par exemple, je ne l'ai pas fait. Enfin, je me suis assurée à minima. Mais ça m'aurait demandé au moins 6 mois de faire ça, parce que j'aurais dû rencontrer tout le monde, prendre le temps. Et là, j'engageais une vraie recherche sociologique, finalement, ou de socio-histoire. Bon, j'avais pas le temps de faire ça en un mois ou 2, bien que j'ai essayé. Donc, j'essaie plutôt juste de faire un gribouillis, hein, Darstellen. Alors, FRIS, l'idée de FRIS naît avec 97, donc ça je le raconte, mais je ne suis pas au courant de ça. Ça veut dire que c'est le premier congrès prenant en compte les femmes en décembre 97 mené à Paris. Donc ça c'est ce que nous racontait Daniel Autier comme point de départ des formations FRIS. Ça veut dire qu'entre 1999 et 2002, on voit dans le monde, les chiffres sont de l'ONU-SIDA, bien qu'ils soient cités dans l'autre brochure, là, les états généraux. Mais on a une féminisation de l'épidémie, une augmentation de transmission de 141%. Du coup, là, les états commencent à prendre la mesure du problème et les associations qui ont historiquement donner une importance. En fait, il y a toujours eu des... Bon, je ne reprends pas ce que tu as dit, mais il y a toujours eu différents publics dans les associations. Mais ce sont les hommes blancs homosexuels qui ont eu une grande visibilité, qui ont attiré l'attention. Et du coup, finalement, les femmes étaient vraiment un groupe minoritaire dans les débuts de la lutte contre l'épidémie. Du coup, FRIS s'inscrit là-dedans. Et entre 97 et 99, monte un comité de pilotage avec plusieurs associations lyonnaises pour constituer ce réseau partenarial que va devenir FRIS. Donc, qui on trouve dans ce comité de pilotage ? Kabiria, association communautaire, aussi forgée dans les années 95, et qui travaille avec, enfin, ce sont des travailleuses du sexe, donc c'est même au-delà du avec, quoi. Rupture, qui est un Carude. Carude, oui, voilà, centre d'accueil, d'accompagnement des usagers de drogue, donc qui avait déjà donc, des politiques de réduction des risques. Couple contre le sida, qui est une association, donc je vais revenir dessus, qui fait de la prévention sida en milieu libertin, en milieu multipartenaire hétérosexuel, et le planning familial de Villeurbanne. À l'époque, on appelle ça même le mouvement français pour le planning familial. Ils se sont débarrassés des deux premiers termes il y a une dizaine d'années. Donc, lancement du programme FRIS. Alors, les financements au début sont ceux-ci. Ville, DAS, Ensemble contre le sida. La DAS, je ne sais pas pour les plus jeunes si c'est clair pour vous, c'est l'aide sociale à l'enfance de l'époque. L'idée est que chez les femmes, au-delà des facteurs physiologiques, ce sont les facteurs sociaux qui sont aggravants. Et du coup, les formations FRIS vont être des formations sur à la fois les facteurs physiologiques particuliers aux femmes et les facteurs sociaux aggravants. Donc, l'objectif, et là, j'attire aussi votre attention sur cet objectif-là, parce que il me semble que c'est une des transformations entre cette époque et maintenant. Ça veut dire que l'idée était de réduire la contamination des IST pour soi et pour les autres. Mais le « et » compte. Ça veut dire que la démarche, elle est double. On n'est pas là seulement pour soi, on est là aussi pour les autres. Donc, il y a vraiment cette dimension collective qui va être vraiment importante. Ça veut dire que peut-être que moi j'ai moins de risques, mais mes connaissances vont permettre aussi de les limiter chez d'autres. Enfin, un travail comme cela, le « et » là est très important. Bien. L'idée était donc cette constitution de réseau, comme je vous en ai déjà parlé, spécifiquement pour les femmes, et il me semble que ceci n'était jamais une question. Ça veut dire que c'était posé ainsi. Je n'ai aucun souvenir que nous ayons discuté le fait d'être que entre femmes. Mais peut-être que ça s'est fait. Peut-être selon les formations. Du coup, moi, je suis une frisseuse de la sixième formation. La sixième formation, elle s'est déroulée entre mai et juin 2002. En fait, les formations, c'était 8 jours. Mais pas 8 jours d'un coup, c'était 4 fois 2 jours. Comment ça se passait une formation ? On était 20, 30, ça dépendait. Nous étions là déjà par rapport à nos fonctions. Ça veut dire l'idée était d'avoir un équilibre entre personnel médical, personnel social et militante. Du coup, en termes de nombre, environ 7 de chaque, vous voyez, à peu près équilibré. Donc nous étions là en premier pour nos fonctions. Et puis, en deuxième, nous étions là pour la place sociale particulière que nous occupions. Ça veut dire, certaines étaient là parce qu'elles étaient des migrantes africaines, mais elles étaient infirmières aussi. D'autres étaient là parce qu'elles étaient séropositives, mais elles étaient des travailleuses sociales. Vous voyez, il y avait un équilibre à la fois entre les fonctions et la posture socialement située. Et du coup, lorsqu'on se présentait, on présentait tout cela, puisque du coup, à la fois, on montrait d'où on allait parler, et à la fois, on disait aussi ce qu'on pouvait, parce qu'une infirmière ne peut pas la même chose qu'une assistante sociale ou qu'une militante dans un squat. Mais l'idée était de reconnaître les compétences de chacune dans son domaine. Alors, à quoi ça ressemblait après une présentation comme cela ? Eh bien, on avait un apport sur qu'est-ce que le sida ? En termes physiologiques, comment ça se manifeste, comment ça arrive, comment ça touche le corps, avec tout le vocabulaire particulier, donc très important. Tout ça, c'était les premiers jours. Puisque la question concernait directement les femmes, on avait aussi dans cette démarche physiologique des questions qui sont propres aux femmes. Ça veut dire la question de la contraception, par exemple, ou la question du désir d'enfant, ou la question d'avoir un enfant en étant séropositive, ou la question de l'annonce de la séropositivité au moment de l'annonce d'une grossesse. Et du coup, des questions qui étaient à la fois physiologiques et à la fois vraiment propres aux femmes. Là-dedans, à chaque fois, les présentations étaient complétées par des discussions. Ça veut dire, l'idée était toujours que la présentation théorique était incomplète. Donc elle devait être complétée par les participantes. Par exemple, nous nous retrouvions là à parler de ménopause. Qu'est-ce que ménopause fait VIH ? Parce que là, il y avait une femme ménopausée. Ou bien nous nous retrouvions à parler de pratiques de l'assèchement vaginal. Parce que certaines aiment se nettoyer avant des rapports sexuels, etc. Et qu'il y a même des pratiques culturelles qui demandent que les vagins soient extrêmement secs. Ce qui est un risque supplémentaire de contamination aux IST. Donc, en fonction de ce qui était amené dans la formation, eh bien, on discutait, on ramenait. Et puis, comment dire, la discussion aussi permettait de faire le tri entre des idées reçues, des réalités, et de transformer tout cela en réduction des risques. Les deuxième et troisième jours de formation FRIS, nous étions plutôt sur les risques sociaux aggravants. Donc, nous avions là des interventions sur qu'est-ce que l'amour ? Quelle est l'idée de l'amour ? La place de l'amour dans les comptes. Ça veut dire, lorsque nous voulons nous protéger, réduire les risques d'endommager notre santé, notre corps, une des choses qui va être importante, c'est avoir l'impression que l'on vaut quelque chose. Ça veut dire revenir sur l'idée que les femmes sont quantité négligeable, que c'est pas important, qu'on le fait pour les autres, etc., etc. J'insiste sur le fait que l'idée de consentement, par exemple, à l'époque, n'existe pas. Et je reviens dessus après en parlant de couple contrôle sida. C'est-à-dire que, évidemment, que le terme de consentement, on le connaît, mais l'idée de consentement, comme on la pense là, actuellement, 2025, on n'a pas cette idée à cette époque. Du coup, on ne la pense pas de cette manière-là dans FRIS. Ensuite, les deux jours suivants, on avait là des récits d'expérience. Ça veut dire, selon les sessions et qui était disponible, des exemples de ce qui s'était fait. Donc, dans la formation à laquelle j'ai participé, c'était une association qui travaillait dans les quartiers populaires à Marseille et qui avait proposé à des femmes de monter un réseau de réduction des risques sur le sida. Et du coup, cette femme venait nous raconter comment ça s'était passé, comment elle s'y était prise, mais matériellement, hein, vraiment concrètement, comment elle s'y était prise, qui ça avait rassemblé, quel jour, combien ça avait coûté, comment ça s'était passé, etc. Ça, c'était la première chose, la première intervention. Et la deuxième, pareil, avec couple contre le sida, donc dans la formation que j'ai faite, mais d'autres formations, c'était d'autres exemples. Donc toujours très matériel, comment on s'y prend pour monter un réseau de réduction des risques. Et les deux jours suivants, l'idée était, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Quel réseau vous pourriez monter ? Comment vous pourriez faire de la réduction des risques ? Bon, bah nous, la bande des Gwyn, on s'est lancé dans Gwyx. Gwyx, on a commencé en 2003, parce qu'on a évoqué cette possibilité lors de ces deux derniers jours de formation. Et ensuite, on s'est mis à travailler à part sur cette question-là. On n'a pas réussi à vraiment savoir trois ou quatre. Trois stables et probablement une quatrième de temps en temps, mais là, on n'a pas complètement retrouvé la mémoire là-dessus. Donc, notre idée à cette époque-là était de construire un outil de discussion en direction des lesbiennes, ou plutôt des Gwyn. Ça veut dire qu'à cette époque, il n'existait rien, sachant que les lesbiennes ont toujours eu dans l'épidémie du sida un statut très particulier. Ça veut dire que nous sommes un groupe à très faible risque, parce que le risque principal dans le sida, ça passe par les hommes. Bon. En tout cas, on est un groupe assez faiblement touché, mais du fait de notre homosexualité, on a été ramenés dans les populations les plus vulnérables. Ça veut dire, par exemple, les homosexuels sont interdits de don du sang à partir de 1983. Gwyn est PD. Tout le monde est interdit de don du sang jusqu'en 2022. Sachant que pour les lesbiennes, il n'y a pas de raison épidémiologique, si ce n'est par contagion. En fait, on a été contaminés par l'opprobre social de nos camarades PD. Oui, bah, je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, notre objectif, c'est à la fois faire la réduction des risques en direction des GWIN parce que ça n'existe pas, mais c'est aussi faire exister tout simplement la sexualité GWIN parce qu'elle n'a pas de place. Alors je tente de vous lire ça, mais je vais prendre la version papier, on arrive à lire là-dessus. Pourquoi une brochure qui s'adresse aux GWIN ? Alors que les gays sont considérés comme ultra-sexuels, les lesbiennes sont vues comme peu sexuelles, caresses, bisous. Dans l'éducation des filles, on ne parle ni de sexualité, ni de plaisir, ni de masturbation. Elles sont censées être passives et disponibles. Ces stéréotypes érigés en normes ont un impact sur nos manières de parler, de nos pratiques et de nos sexualités entre lesbiennes. Nous portons aussi des jugements moraux sur certaines formes de sexualité. Il y en a de bonnes, de mauvaises, les sexualités sont classées, hiérarchisées, valorisées ou dépréciées, sales, propres, violentes, douces, brutales, tendres, extrêmes, normales. Pourtant, en tant que lesbiennes, nous pouvons inventer nos sexualités sans nous référer au modèle hétérosexuel. De la même manière que les pratiques sexuelles sont diverses, la communauté, entre guillemets, lesbienne est variée. Certaines d'entre nous sont nées intersexes, soit ont changé de sexe, soit passent d'un genre à un autre et ne veulent pas être catégorisées. Nous parlerons donc ici de personnes de diverses origines, se reconnaissant ou s'auto-identifiant lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, queer, trans, gwyn, camionneuses, goudou, jules, butch, femme, top, bottom, garçonne. On a tout en commun de faire du sexe avec des femmes et de contester la norme hétéropatriarcale. Voyez qu'on avait une tension pas facile. Ça veut dire que notre idée avec Gwix, c'était vraiment d'affirmer dans le domaine de la réduction des risques à la sexualité ce que Monique Wittig nous avait expliqué en disant « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Ça veut dire qu'on était à la fois dans cette idée que, bien sûr, nous sommes des femmes qui avons du sexe entre femmes. Enfin, toutes sortes de femmes. Ça veut dire aussi des femmes trans, aussi des trans. Mais quand même, la question femme, elle arrivait là aussi. Donc, on avait toute cette tension à peu près jamais réglée. Alors, c'était pas grave parce que la pratique de Friis, tout comme la pratique de couple contre le sida... a toujours été basé peu sur la lecture, mais beaucoup sur la discussion. Ça veut dire que finalement, la production de ça, GWIX, nous avions conscience déjà à l'époque que personne n'allait le lire à peu près. Ou la production de ça, la Gazette de couple contre le sida. Ou ça, c'était plus vieux, Femmes contre le sida en 2004. Nous avions conscience que tout cela, personne n'allait jamais le lire. D'ailleurs, nous entraînions un peu partout avec nous, mais l'idée, ce n'était pas la lecture. Tout cela était support-parole. Donc en fait, que ce soit avec Friis ou après avec Couple contre le sida, nous avions une panoplie. Une panoplie, c'était tout un tas d'objets qui allaient nous permettre de discuter avec les gens. Vous voyez là, quelque chose qu'à l'époque, on a appelé misérablement le plaisir, le préservatif féminin. Après, on s'est toujours dit que c'était pourri. Donc après, on se disait non, c'est un fémidon. Là, on s'est dit, ouh, trop pourri. Donc après, on a organisé des apéros coquins pour trouver un nom coquin pour ce drôle d'objet. De quoi ça permettait de parler ? De tiens, quelle image on a du vagin ? Ça veut dire, il y en avait qui disaient, ah, c'est un sac poisseux. Ah, ok. Un sac poisseux, mais encore. Et du coup, on pouvait comme cela lancer des discussions. Ça veut dire que ces productions brochures, ou bien tous ces objets, on avait de tout dans nos trousses. On avait des godes, on avait des pincins, etc. L'idée était vraiment permettre la discussion sur la sexualité, permettre la discussion sur le corps. En fait, pour mettre en place des politiques de réduction des risques, il faut que les gens aient conscience qu'ils sont importants. Et surtout dans des publics minorisés, se sentir important, c'est peu courant. Donc, pour cela, beaucoup de discussions. Alors, couple contre le sida, je dis un mot et je conclue. C'était un public particulier parce que ce n'était pas un public ni vulnérable ni minorisé. Ça veut dire qu'on était là chez des hétérosexuels multipartenaires à pouvoir d'achat fort ou moyen. Le Cap d'Agde naturiste, bon, ça serait toute une histoire qui serait aussi intéressante. Il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. D'autant plus que là, on est en 2003. 2003, Nicolas Sarkozy, les lois de sécurité intérieure. Ça veut dire les lois contre le racolage passif des travailleuses du sexe. Donc, la police autorisée partout à circuler, à interroger n'importe quelle femme qui erre sur un trottoir et qui ressemble à une femme noire en train de marcher lentement pour lui demander, pour vérifier si elle est en train de faire du racolage passif. Bon, ces lois pour la sécurité intérieure avaient eu aussi un effet au Cap d'Agde naturiste. dans lequel ils avaient là installé une police montée avec des policiers en petits slips police nationale. Sur leurs chevaux, il faut les imaginer. Non, mais par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est le moment où ils arrêtaient des gens pour exhibition. Le Cap d'Agde naturiste est un espace dans lequel il y a des rapports sexuels en public, sur une plage qui s'appelle la baie des cochons. Tout est dit. Mais les gens ont conscience de cela. C'est un espace consenti. Ça veut dire que quand arrivent des gens qui ont l'air de ne pas savoir où ils ont atterri, il y a toujours une bonne âme pour aller leur dire « Attendez, vous savez que vous êtes sur un endroit particulier ». Donc c'est un espace dans lequel il y a toujours eu plus ou moins une régulation, une autogestion des pratiques sexuelles en public. Et là, cette année-là, les lois de sécurité intérieure 2003, grâce à Nicolas Sarkozy, nous avions là la police montée sur cette plage seulement jusqu'à 19h. Ce qui était rigolo, c'est ce qui se passait à 19h05, bien sûr. Mais il faut imaginer qu'ils arrêtaient les gens tout nus, parce que c'est le camping naturiste. Ils les emmenaient au commissariat au Cap d'Agde, mais ils devaient les relâcher après, en sac poubelle. Donc là, il y a eu des très belles pratiques de résistance entre ce public qui, d'un coup, du fait des lois de sécurité intérieure, se trouvait quand même être vulnérabilisé. Bon. Voilà ce que j'ai cherché à vous raconter. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. J'ai cherché à vous donner un peu une impression d'une époque, en fait. Ça me semble compliqué. Enfin, bon, moi, je trouve ça super intéressant, en fait, de chercher à construire cette histoire située, à se rendre compte aussi comment une histoire comme celle-ci n'est jamais réplicable. Et ça n'est pas souhaitable. En fait, faire que quelque chose soit réplicable, c'est le standardiser. Donc ça, c'est dommage. Mais après, on peut par contre peut-être apprendre des histoires situées comme celle-ci. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Sachant, encore une fois, et là, moi, par contre, je suis une très mauvaise personne pour cela, mais Frice, c'est actuel. Donc je ne voudrais pas du tout enfermer ceci dans le passé, parce que là, si on fait Google Frice, on voit qu'il y a une formation la semaine prochaine. Donc je ne veux pas l'enfermer dans le passé, c'est mon passé, mais ce n'est pas le passé.